Les délégations et délégués allemands, russes, suédois, chinois, britanniques et autrichiens sont arrivés le 15 courant à Pyongyang pour participer au 15e Festival international de cinéma de Pyongyang.